بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن هؤلاء الذين ابتلوا ابتلاء عظيما الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. مظلوم ضرب، ما حمله ذلك الضرب الذي هو السجن الذي حصل أن يخرجوا؟ هؤلاء يقولون بخلق القرآن، هؤلاء كفار، هؤلاء ظلمونا، أخذوا حقنا، جوعونا. ما قال هذا؟ هذا الإمام أحمد، إمام الزهد، إمام السنة، إمام هدى في زمانه، يصبر على الفقر، كان في شدة من الفقر والله، يصبر على الضرب، يصبر على السجن، يصبر على الأذى، يصبر على كلمة الحق. يريدون أن ينصروه، يريدون أن يقولوا نخرج، قال لا أبدا لا أرى ذلك. قال الإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه: أعز الله عز وجل الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. expliquer et commenter par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس السابق بداية ما حصل لهذا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه في أيام الخليفة العباسي المأمون، وكنا أخذنا أن هذا الأمير المأمون اغتر بكتب اليونان وقرب بعض المعتزلة اللي تنطغي المعتزلة خاصة أحمد ابن أبي دواد كما سيأتي. فامتحن الناس، il a pris la lourde décision d'imposer son fikr, cette aqida batila, أن الله سبحانه وتعالى son كلام il est مخلوق. Il a essayé de l'imposer aux savants de son époque. Enfin, il les a rassemblés et il leur a imposé de dire que le Coran est makhlouq. فتقدم معنا أن la plupart ils ont répondu إما صريحا لكن من باب الإكراه، إما تأولوا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هؤلاء أو هذه الأربع مخلوقة تأولوا. Et ceux qui n'ont pas répondu, taqaddam ma'ana, ils étaient arba'a, quatre imams qui n'ont pas répondu. Al-imam Ahmed, wa Muhammad ibn Nuh, wa al-Qawariri, wa al-Hassan ibn Hammad. Ces quatre imams, ils n'ont pas répondu. Thumma, la fitna s'est amplifiée. Les deux derniers, ils ont répondu. Al-Qawariri wa al-Hassan ibn Hammad, ils ont répondu kadhalik. Ils ont été relâchés. فبقي الإمام أحمد ومحمد بن نوح. إيه نايفا تنبيه كلام شيخ ابن عثيمين أن في هذا الحال quand c'est des choses qu'ils ont ils sont liées à au din et beaucoup de personnes ils peuvent s'égarer ou beaucoup de personnes elles peuvent s'égarer في هذا الحال la personne est patiente. يصبر لله عز وجل. Comme il a fait هذا الإمام الإمام أحمد. ثم الإمام أحمد رحمة الله عليه et son compagnon Mohammed ibn Nuh, ils ont été transportés. Muqayyadain, ils les ont attachés, enchaînés, et ils ont été transportés dans une autre ville. Et sur son passage, l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, pendant ce voyage, il a rencontré des personnes. Et ils l'ont conseillé de patienter. C'est l'imam de la sunna. À cette époque, c'était l'imam de la sunna, rahmatullah alayhi. Et on avait lu leurs paroles et on s'est arrêté. On s'est arrêté, Huna. Un bref résumé, il y en a entre le premier cours qu'on a fait et ce cours, il y a eu une coupure. Falihada, on a résumé qalil. Et on répète, on a la plupart des sources, des références, c'est la biographie de son fils, Salih ibn Ahmed, rahmatullah alayhi. Il a résumé cette mihna, l'épreuve qu'il a subie, son père. قال صالح بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال أبي أي الإمام أحمد فلما سرنا إلى أدنى بلدة لقينا رجلا الآن إغست الإمام أحمد رحمة الله عليه ومحمد بن نوح ils ont été transportés dans un autre endroit. قال لقينا رجلا ونحن خارجون من الباب وهو داخل فقال البشرى لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه ومحمد بن نوح ils ont pas répondu, ils étaient dans leur ville, ils ont été interrogés par des proches du gouverneur, ils ont pas répondu, ils ont patienté, tout le monde a répondu sauf les deux. فالآن الأمير المأمون il a demandé qu'ils soient les deux transportés chez lui. Les deux, ils doivent rencontrer Al-Amir. Quand ils sont arrivés, ils sont arrivés proches de cet endroit, une personne, elle leur a dit, un homme, il leur a annoncé une bonne nouvelle. قال فقد مات الرجل المأمون قال الإمام أحمد وكنت أدعو الله أن لا أراه. Quand ils sont arrivés proches de la maison, ils ont eu la bonne nouvelle que le Ma'moun il est mort. الإمام أحمد قال وكنت أدعو الله أن لا أراه. Ça montre l'importance de dua عند الابتلاء وغير الابتلاء. لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب للمظلوم خاصة. كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس قصة معاذ تقدم معنا أمس في درس الشيخ صحيح مسلم قال اتقي دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الإمام أحمد رحمة الله عليه dans son voyage الآن il faisait dua, il demandait à Allah, يا الله, il faisait dua de ne pas voir cette personne, ce amir, لأنه il a été injuste envers lui, il leur impose cette عقيدة باطلة. فكنت أدعو الله أن لا أراه استجاب الله له. Ça montre أن أخي دبتوليتا c'est éprouvé. Une personne elle est injuste envers toi, on t'a pris ton حق, أدعو الله الله سبحانه وتعالى يغبون خاصة المظلوم كما تقدم الحديث. Et ça montre أن الإمام أحمد رجل صالح. C'est une personne pieuse, rahmatullah alayhi. Fait hadi shidda, il s'est pas plaint, abadan. Tu trouveras jamais dans la biographie de l'imam Ahmed que nous on a résumé annahu il se plaint, abadan. Yasbir ala qadarillah. Il sait que c'est une épreuve min Allah. Il sait que le chemin qu'il a pris, talab al-ilm, c'est devenu un imam fil hadith, fil sunnah, fil fiqh. Un imam fil ilm, il sait qu'il va être éprouvé, rahmatullah alayhi. Tu trouveras jamais il se plaint. Pourquoi, comment, abadan. Il l'enchaîne, il l'emprisonne, ça y est, ils vont le fouetter. Oui, Allah. Il patiente. Ben, il en profite pour faire da'wah. Il en profite pour faire da'wah. Il fait l'imam, il conseille. Ama, se plaindre, ça ne change rien. Se plaindre, ça ne mène à rien. Ben, la fitna, cette épreuve, elle te fait encore plus du mal. plus de mal. Amma l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, en voyage, il fait dua, il est madloum. Ils ont été injustes envers lui, il a quitté sa famille. Il a fait dua et Allah subhanahu wa ta'ala stajab. Wa kuntu ad'u Allah an la ara. Tastafid kadhalik, une personne, elle peut te faire du mal, elle est injuste, demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tu la rencontres pas. La personne, il ne demande pas à rencontrer char. Ma tadri, comment tu vas patienter? Ma tadri, est-ce que tu vas pouvoir répondre? Ma tadri. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tatamanna ou liqa al-adou. وَاسْأَلُوا اللَّهَ السَّلَامَ وَالْعَافِيَةِ قَالَتْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ صَالِحُ لَمَّا صَدَرَ أَبِي وَمُحَمَّدِ بْنُ نُوحِ إِلَى تَرْصُوسِ رُدَّ فِي أَقْيَادِهِمَا. نعم الآن الأمير يموت المأمون et c'est lui qui devait interroger, qui devait s'occuper de cette affaire. C'est l'Amir, il est mort. Al-An, l'imam Ahmed ou Mohammed ibn Nuh, ils sont transportés dans un autre endroit. Qala, falamma sara ila al-raqqa, c'est un endroit, humila fi safinatin, ils ont été transportés dans un bateau pour arriver dans un autre endroit. Qala, falamma wasala tuwfiya Mohammed rahimahullah. Mohammed ibn Nuh, le compagnon de l'imam Ahmed, il est mort كذلك, dans le voyage. Rahmatullah alayhi. Un jeune, il était jeune, ils disent, ça y est, il y a Mohammed. Et il a patienté et Allah subhanahu wa ta'ala a rafa'a. Al-An, Mohammed ibn Nuh, il est connu عند العلماء, عند طلبة العلم, pour sa patience, pour son thabat. Hatta mat, il est mort dans ce bateau, rahmatullah alayhi. Qala fa'utliqa anhu qaiduh. Il était enchaîné, rahmatullah alayhi. Quand il est mort, ils ont défait ses chaînes. قال وصلى عليه أبي الإمام أحمد رحمة الله عليه في الصلاة sur lui. قال حنبل قال أبو عبد الله ما رأيت أحدا أبو عبد الله الإمام أحمد ما رأيت أحدا على حداثة سنه أي جناج il était jeune وقدر علمه il avait pas le même علم que l'imam Ahmed que les autres savants qui ont été éprouvés لا لكن الله سبحانه وتعالى رزقه الثبات. Ça, ça montre que l'ibra c'est bien le thabat ou l'amal. L'ibra c'est pas bien kathrat l'ilm. Et une fitna et ce talib ilm yatafallat. C'est pas ça l'ibra, abadan. Al-Qur'an hujjatun laka wa alayk. L'ibra c'est bien le thabat ou l'sabr. قال ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح. هذا شهادة الإمام أحمد إمام الجرح والتعديل في زمان إمام الحديث إمام السنة à son époque. يقول ما رأيت أحدا j'ai jamais vu une personne على حداثة سنه أي jeune avec son علم qui est aussi patient aussi ثابت que cette personne محمد بن نوح رحمة الله عليه. قال وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. فأما الأرجو avec tout ça il les équipe على الإطلاق. أرجو j'espère أنه il est mort على خير. قال لذات يوم يا أبا عبد الله. الإمام أحمد رحمة الله عليه il rapporte مرة محمد بن نوح il lui a cité une parole. Il l'a conseillé, il lui a dit يا أبا عبد الله. هذا c'est محمد بن نوح qui conseille l'imam Ahmed. الله الله إنك لست مثلي أنت رجل يقتدى بك. نعم il a dit أنت c'est pas une personne comme moi. L'imam Ahmed il était مشهور, il était connu, c'était imam أهل السنة. فمحمد بن نوح il le conseille الآن أنت رجل يقتدى بك et les gens ils te prennent comme modèle. قال قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق الله وثبت لأمر الله أو نحو هذا. إلى جاء الإمام أحمد اتق الله وثبت باسيونت الثبات نصيحة طيبة. Ça montre que la personne qui a moins de علم qu'une autre il peut lui faire نصيحة. بل c'est واجب عليه واجب عليه si c'est نصيحه في واجب او ترك حرام واجب ابيت مستحب على كل حال سي مشروع لا بيرسون ان دي با انا لا je ne conseille pas, il sait mieux que moi, il a plus de rime que moi. Abadan. Ça peut être un conseil, tu le rassures, tu le réconfortes. L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il sait qu'il doit craindre Allah, qu'il ait beaucoup de gens, ils attendent sa réponse. Il sait qu'il doit patienter, il sait tout ça. Lakin, ta'ammal al-an, quand tu parles de Mohammed ibn Nuh, il cite cette nasiha, il cite cette parole qui lui a fait du bien de Mohammed ibn Nuh. Fattaqillah, wathbut li amrillah. فلا تبخل عن النصيحة. النصيحة سيدو خير. Tant qu'elle est faite avec علم, et elle est à sa place. أما المشكلة الآن أن بعض الناس أحيانا يفهم دي نصائح et elles sont pas à leur place. Il fait plus de mal qu'autre chose. لكن نصيحة qui est à sa place, qui est بعلم, بإخلاص. Tu veux le bien pour ton frère. الآن محمد بن نوح, il veut le bien pour l'imam Ahmed. C'est son frère. يحبه في الله. قال أو نحو هذا فمات وصليت عليه ودفنته. الإمام أحمد إلى في الصلاة sur lui. Il l'a enterré رحمة الله عليه. الآن ما بالك l'état de l'imam Ahmed après tout ça. Il se retrouve seul الآن. ابتلاء من الله. Ils ont patienté à deux, الإمام أحمد ومحمد بن نوح. لكن الله سبحانه وتعالى il a décidé que l'imam Ahmed il se retrouve seul. وهذا سأنا ابتلاء عظيم لأن تعلمون أن une épreuve quand tu te retrouves à deux c'est pas comme quand tu es tout seul à deux ربما تتكلم ربما des conseils il a cité l'imam Ahmed la parole de Mohammed ibn Nuh ربما si tu faiblis ton frère il rattrape وهكذا لكن الآن الإمام أحمد رحمة الله عليه il est tout seul et la fitna elle va s'amplifier الآن جدا لأن ils vont reprocher à l'imam Ahmed comme on entend الآن pourquoi tout le monde a parlé et pas toi. Pourquoi tout le monde obéit et pas toi? Alors, l'imam Ahmed, ils vont lui donner une image de rebelle. De rebelle contre le gouverneur. Alors, هذا أنت تستفيد أن الكثرة لا تنفع سير خالف الحق. تستفيد كذلك si une personne veut salir ton image, لا ينفع. عند الله سبحانه وتعالى. Patience, c'est tout. لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. كذلك la parole qui n'est pas fondée sur un dalil, la yultafat ilayha. La yultafat ilayha. Est-ce que ça a fait du mal à l'imam Ahmed qui soit seul? Abadan, le haqq il est ma'ah. Walaw ykhalaf ad-dunya. Et nous, on sait que l'imam Ahmed n'est pas seul à la hadal qawla. Abadan, ahle sunnah, ils ont cette aqidah. Lakin, nous montrons les choubouhats ahle al-batil avec les réponses. Bidnillah azza wa jal. Qala salih. وصار أبي إلى بغداد مقيدا الإمام أحمد رحمة الله عليه لترانسبورتي en direction de بغداد قال فمكث بالياسرية أياما ثم حبس في الدار الآن الإمام أحمد رحمة الله عليه il est tout seul il doit rencontrer le nouveau amir le frère de المأمون المعتصم c'est lui qui a pris le mulk le pouvoir après la mort de son frère الإمام أحمد رحمة الله عليه en attendant il est placé en prison. Qala falamma kana fi ramadan sanat 19 khawwaltu ila dar ishaq ibn ibrahim ishaq ibn ibrahim hada tadhkurun c'est un des responsables un des proches du gouverneur ishaq ibn ibrahim al imam ahmed rahmatullah alayh à cette date ramadan l'année 229, il est transporté عند Ishaq ibn Ibrahim. Al-an, la fitna, elle va être beaucoup plus dure. Al-an, l'imam Ahmed, il va être interrogé. Il va être torturé, rahmatullah alayhi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yansur man yasha. Qala, بعد ذلك قال فكان يوجه إلي كل يوم برجلين tous les jours il est emprisonné الآن في دار إسحاق بن إبراهيم tous les jours deux hommes ils viennent à sa rencontre قال أحدهما يقال له أحمد بن رباح والآخر أبو شعيب الحجام فلا يزالان يناظراني حتى إذا أراد الانصراف دعي بقيد فزيد في قيودي. Tous les jours, il l'interroge, il polémique, il lui demande pourquoi, comment. Et quand tu pars, tu lui rajoutes des chaînes. Il est enchaîné là, il est faraha fi sijn. Sijn lui-même, c'est pas facile, la prison. Ma balouk l'an enchaîné. Rahmatullah alayhi. مع هذا إلى مستمر الصلاة الصيام الوضوء لا شك في الطهارة وانفق الصلاة رحمة الله عليه فصار في رجله أربعة أقيام الآن إلى أنشني par quatre chaînes ses pieds quatre. قال أبي فلما كان اليوم الثالث دخل علي أحد الرجلين فناظرني. Quatrième jour, l'âne qu'il est emprisonné vis Dar Ishaq ibn Ibrahim, un des deux hommes y rentre. عند الإمام أحمد. قال فقلت له ما تقول في علم الله؟ قال علم الله مخلوق. الإمام أحمد رحمة الله عليه il a posé cette question. لأن القرآن c'est من علم الله. Et علم الله c'est une صفة من صفات الله عز وجل. Les صفات d'Allah elles sont pas créées. L'imam Ahmed رحمة الله عليه الآن il veut montrer à هذا أن الكلام il est pas créé. لأن c'est une صفة. Et علم كذلك c'est une صفة. Il est pas créé. Comment tu prétends que علم الله il est créé؟ قال الإمام أحمد ما تقول في علم الله؟ قال علم الله مخلوق. نعوذ بالله من الضلال. Il a prétendu هذا الرجل أن العلم il est مخلوق. قال الإمام أحمد فقلت كفرت. استدعى بالحق. Il est enchaîné, rahmatullah alayhi. Il est seul. Il est emprisonné. Et il a démontré à cette personne kafarta, t'es sorti de l'islam bihada. Celui qui prétend que l'ilm est makhlouq, c'est grave. Khasadan haoulas de mu'anidoun, mu'tazila. Et l'imam Ahmed va leur citer des hujjaj. Et ma'a hada, ta'ammal hada. Ilmullahi makhlouq. Léana, il sait très bien que s'il aurait dit ilmullah, c'est un sifa, il n'est pas makhlouq, l'imam Ahmed il aurait dit que dhalik al kalam. لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر لإمام أحمد إمام في العقيدة إزاي هذا إلى غادي العلم إلى بام خلوق لإمام أحمد اللي غادي كذلك الكلام لله عز وجل إلى بام خلوق صفة. قال فقال الرسول الذي كان يحضر من قبل إسحاق بن إبراهيم إن هذا رسول أمير المؤمنين فقلت له إن هذا قد كفر. الآن إذا غبخش على إمام أحمد comment tu prétends le messager du Amir c'est un kafir. قال الإمام أحمد فلما كان أو بعد ذلك قال فلما كان في الليلة الرابعة وجه يعني المعتصم. المعتصم le frère du Ma'moum, le premier Amir qui est mort, son frère il a pris le pouvoir بعده. قال إلى إسحاق فأمره بحمل إليه. Al-Mu'tasim, ça a duré. Il a demandé à rencontrer l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, l'an, il va être transporté inda Al-Mu'tasim, Al-Amir. Qala, fa amarahu bi hamli ilayh, fa udkhiltu ala Ishaq, fa qala ya Ahmed, innaha wallahi nafsuk. Ishaq ibn Ibrahim, ce proche du Amir, avant de rentrer inda Al-Mu'tasim, Amir al-Mu'minin à l'époque, parle Ishaq ibn Ibrahim, il dit à l'imam Ahmed, ya Ahmed, innaha wallahi nafsuk. L'an, il essaye de raisonner l'imam Ahmed. Aïe, tu vas mourir si tu continues. Il lui a dit, ya Ahmed, wallahi innaha nafsuk. Aïe, c'est ta vie qui est en jeu l'an. Il pense que l'imam Ahmed, l'an, avec cette parole, il peut revenir, il peut répondre. Lakin al-rajul, rahmatullah alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala, thabbatah. إنه لا يقتلك بالسيف. ألي معروفة الطريقة؟ ألي معروفة؟ ألي معروفة أن avant de se faire interroger, ils lui font peur الآن. C'est ta vie qui est en jeu. ثم قال له إنه لا يقتلك بالسيف. Il lui a dit, il va pas t'abattre, il va pas te tuer avec un sabre. Il y en a avec un sabre, c'est rapide. Tu sens pas grand chose. الآن إسحاق بن إبراهيم يدي سالي ما محمد. Il dit, là, ne pense pas qu'il va te tuer avec un sabre. Tartah, là. Qala, إنه قد آلى إن لم تجبه أن يضربك ضربا بعد ضرب وأن يقتلك في موضع لا يرى فيه شمس ولا قمر. Il lui a dit, si tu réponds pas, il va t'emprisonner, il va te fouetter et te laisser mourir dans un endroit pas de soleil, pas de lumière du soleil et de la lune. Dans un endroit emprisonné. Il cite cette parole à l'imam Ahmed, hatta robbama il lui fait peur et l'imam Ahmed y répond. قال أليس قد قال الله عز وجل إسحاق بن إبراهيم الآن avant que l'imam Ahmed rentre عند الأمير il essaye هو il va citer une shubha un verset du Coran al-Karim et il pense que ça démontre que le Coran il est makhlouq أكل المسكين كأنه إلى أولي أن أمامه إمام أهل السنة قال قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا جعلناه قرآنا عربيا فاس حجة من حجج المعتزلة الهزيلة ils pensent que ce verset démontre que le Coran il est makhlouq لأن pour eux جعلنا ça veut dire خلق Et ça arrive, hada. Ja'ala, ça peut arriver à ça peut signifier khalaqa, mais c'est pas ala litla. Khassatan taqaddam ma'ana anna ja'ala, s'il y a deux maf'oul ba'da, ça veut pas dire khalaqa. Ta'ammal al-aya, inna ja'alnahu qur'anan, al-maf'oul al-awwal, arabiya al-thani. Et quand il y a deux maf'oul après ja'ala, c'est pas bima'na khalaqa, abadan. Al-imam Ahmed, rahmatullah alayhi, قال أو إسحاق ابن إبراهيم قال أفيكون مجعولا إلا مخلوقا إلى جال إمام أحمد toutes les choses qui sont مجعول c'est مخلوق مجعول مخلوق جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه هكذا إلى كمخي هذا المعتزلي قال الإمام أحمد فقلت قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول علم ça montre l'importance du حب الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن لا قد ليفغ لا ولا شيء معه ستو في القلب فإذا طالب علم من باب أولى عالم إمام في السنة الآن في هذا الوقت الضيق سنعلم كبار الإمام أحمد لا قد فلان إمادي أو الشيخ فلان جي أنتوندو أو إباغي أبدا المبطل إلى سيتي un verset pour appuyer sa hujja الإمام أحمد lui répond avec un verset que tout le monde connaît سورة الفيل Et il lui montre que la ja'ala, ça ne veut pas dire forcément khalaqa. Qala azza wa jal, fa ja'alahum ka asfin ma'koul. Huna ja'alahum, ça ne veut pas dire khalaqahum. Les nains, ils sont déjà makhlouq. Là, ça ne veut pas dire khalaqa. Al-Imam Ahmed, il lui cite ce verset l'an pour lui montrer que la ja'ala, ça ne veut pas dire khalaqa. Ala l'itlaq. Ça peut vouloir dire khalaqa. Kama fi qawli la azza wa jal. وجعل منها زوجها في آية. إذا نطق آية وخلق منها زوجها. جعل سبب خلق هنا. لكن سبع على الإطلاق. أما المعتزلة، ils ont pensé que جعل c'était على الإطلاق خلق. C'est pour ça que c'est une de leurs شبهات هذه. لكن تأمل عناد المبطلين. الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن اللي يعمل خير. لماذا يغفي أبو حق؟ لأنه لا يمكن أن يقول الآن فجعلهم كعصف مأكول يستخدمه هو كسباب بمعنى خلقه هنا لأنه يسون ديجا كخي لكن العناد والهوى والبدعة الانحراف هكذا والعياذ بالله في الغالب أن celui qui atteint par cette maladie والعياذ بالله يغفين بو حق إلا أن يشاء الله قال الإمام أحمد قد قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول أفخلقهم Alim Ahmed lui a renvoyé la question. Afakhalaqahum? Et il lui montre que ja'ala, c'est pas bima'na khalaqa ala l'itlaq. Faqawluhu, ou istidlaluhu bi qawli la azza wa jal, inna ja'alnahu qur'anan arabiyan, il est batil. Il est batil pour démontrer que le Qur'an est makhlouq. Abadan. Qala, fasakat. Sakat Ishaq ibn Ibrahim. Et tu peux pas répondre face à la hujja. Hakad ahl al-batil. Ahl al-batil la taqdar. Il cite des langues muqaddimah. On va faire. Il cite des choses. Il cite un dalil. Il y a un dalil. Il y a un dalil. Il y a un dalil. Il y a un dalil. Il peut plus répondre. Il y a un dalil. Il y a un dalil. بباب البستان أخرجت وجيء بدابة. نعم. ثم إسحاق بن إبراهيم il a vu que l'imam Ahmed n'allait pas répondre. الآن ils vont l'emmener عند الأمير. قال فحملت عليها وعلي الأقياد. الآن il est toujours enchaîné رحمة الله عليه. قال ما معي أحد يمسكني فكدت غير مرة أن أخر على وجهه لثقل القيود رحمة الله عليه. Il raconte أنه il était seul et tellement que les chaînes elles étaient lourdes, غير مرة il a failli tomber رحمة الله عليه. هكذا الله سبحانه وتعالى il élève ceux qui patientent. قال فجاء بي إلى دار المعتصم فأدخلت حجرة. Dans une chambre, dans un endroit. قال وأدخلت إلى بيت. هكذا de chambre en chambre حتى il arrive à l'endroit où que l'amir il est assis. قال وذلك في جوف الليل. Tout ça c'est en pleine nuit. ابتلاء. هكذا cette طريقة كذلك المعروفة. L'interrogatoire il est au milieu de la nuit. حتى tu craques, حتى tu perds tes moyens. هكذا c'est معروف. كذلك les menaces. Si tu réponds pas, il y aura telle chose, on va faire telle chose. الإنسان يصبر الأمر إلى بيدالله. لا تظن أن tout ce qui dit ton ennemi خصمك. Celui qui déteste tout ce qu'il dit peut le faire. Là, l'amr il est bien dit là. C'est un makhlouk. Comme toi, t'es un makhlouk. Sauf que l'imam Ahmed, dans ce cas-là, il est éprouvé. Mais là, t'as dans l'annahom, ils ont le dessus. L'annahom, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils disent. Abadan, c'est des makhlouks, du'afa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'an, il les éprouve. Est-ce qu'il va patienter, amla? Et Allah subhanahu wa ta'ala, y'alam. Y'alam kulla shay, azza wa jal. Qala. قال وأقفل الباب علي وذلك في جوف الليل وليس في البيت سراج. الآن il est enfermé dans une autre pièce رحمة الله عليه, il y a pas de lumière. فأردت أن أتمسح للصلاة. الآن dans cette situation الآن رحمة الله عليه il pense à faire الصلاة, لكن il est enchaîné, il fait noir, il voit rien, pas d'eau. فأردت أن أتمسح بفغ التيمم. قال فمددت يدي فإذا أنا بإناء. En cherchant il a trouvé un récipient avec de l'eau. قال فأنا قال فإذا أنا بإناء فيه ماء وطش موضوع فتوضأت وصليت رحمة الله عليه. Toute cette épreuve, l'un, il va être interrogé, il sait ce qui l'attend, il va être fouetté, il va être torturé. Rahmatullah alayhi, il fait l'eau d'eau et il fait le salat. Isti'ana billah. Il sait très bien que le manqif, l'un, qui l'attend, il est obligé de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'u, yasta'in bih, et ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Qala, falamma kana min al-ghad, le lendemain, la nuit elle est passée, l'un. Qala, فجاء رسول المعتصم فقال أجب. Le lendemain, après cette nuit, رسول المعتصم, un des proches de المعتصم, un de ses gardes, il appelle l'imam Ahmed. Il lui dit répond, أجب. قال فأخذ بيدي وأدخلني عليه وإذا هو جالس وابن أبي دواد حاضر وقد جمع خلقا كثيرا. La première fois que l'imam Ahmed rencontre Al-Mu'tasim, il rentre dans une pièce, Al-Mu'tasim il est assis et à côté de lui Al-Mujrim, Al-Khabith, Al-Dal, Ahmed ibn Abi Duwad, Al-Mu'tazil al-Jahmi. هذا c'est lui qui a eu une grosse influence dans cette fitna, Al-Khabith. بعض العلماء ils l'ont kaffar, هذا Ahmed ibn Abi Duwad. قال وقد جمع خلقا كثيرا من أصحابه. شوف الأمير أحمد بن أبي دواد دقا beaucoup de ses proches. الإمام أحمد رحمة الله عليه il est tout seul enchaîné. ومع هذا ثبات الصبر. Et vous allez voir على قوة الآن في المناقشة. قال فقال لي يعني المعتصم. الأمير الآن va parler à l'imam أحمد. أدنه أدنه أي غفوش توا. قال فلم يزل يدنيني حتى قربت منه. الإمام أحمد الآن يسيغابخوشي جدا بالمعتصم. ثم قال لي اجلس أسيتوا. فجلست وقد أثقلتني الأقياد. الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن il est éprouvé par les chaînes هذه. تعلمون c'est une personne, il est plus jeune, il a atteint un certain âge et جسمه il est ضعيف. Et تعب رحمة الله عليه avec الأقياد هذه avec ses chaînes. فجلس قال فمكثت قليلا ثم قلت أتأذن لي بالكلام أدب. Malgré tout ça, ما في انفعال أبدا. Parce que l'imam Ahmed il s'est mis à crier mes droits. Je veux un avocat أبدا. ما بيش من هذا. Il lui demande بأدب لأن il sait que c'est l'amir en face de lui. Et ça te montre ولو الأمير il est injuste envers toi, tu ne parles pas à une personne du commun. Hein. Tu parles à une personne qui a le mulk, qui a une personne qui a de la qudra, qui a de la quwa. بإذن الله عز وجل Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné ce mulk. لابد من أدب ولو t'es 100% t'as 100% raison, il est 100% en tort. Mais هذا الأدب. L'imam Ahmed il ne s'est pas mis à crier, à insulter, à أبدا. Il sait qu'il est éprouvé. قال أتأذن لي في الكلام. Est-ce que tu m'autorises à parler? فقال تكلم. الأمير il a dit à l'imam Ahmed تكلم. فقلت أي الإمام أحمد إلى ما دعا الله ورسوله إلى ما دعا الله ورسوله إلى ما دعا الله ورسوله أي il a demandé à cette assemblée qui se sont réunis pour lui et leur a demandé c'est quoi la da'wa de Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, à quelle chose ils ont appelé. Fasakata hunayya, il y a eu un silence. Les anna al-qawm ils savent très bien anna al-rajul c'est un imam, il pose une question, c'est pas hakada. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi an il voit loin ou qala thumma qala, il a répondu ila shahadati an la ilaha illallah. Ils sont à la ilm. نحن الآن بعض الجهال الآن tu lui poses ta question, بل بعض des gens ils se prétendent qu'ils sont à la ilm. كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه مرة si tu demandes à شيوخ الأزهر أين الله, ils vont dire في كل مكان. Alors que le Jari à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام elle a dit في السماء. الآن c'est شيوخ الأزهر, c'est pour des gens, c'est l'élite de la communauté. نفس الشيء هنا أمير, tu lui demandes c'est quoi دعوت الله سبحانه وتعالى et son prophète, son messager. Il répond à Tawhid, la ilaha illallah. Là, je vais lui demander, t'as peur, hein, t'as, qu'est-ce qu'il va répondre? Il a shahadati an la ilaha illallah. Il a répondu, le Amir, Allah et son messager, ils ont appelé à shahadat an la ilaha illallah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasoula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. معروف هذا دعوة الأنبياء جميعا التوحيد. الإمام أحمد رحمة الله عليه لا بوزي سيت كيستيون. الأمير لا ريبوندو. قال الإمام أحمد فقلت أنا أشهد أن لا إله إلا الله. علم. الإمام أحمد الآن لي مونتر أنا جو ريبوندو أ سيت أبيل. موا جو تيموني أن لا إله إلا الله. فلماذا لا تورتور لا بريزون لماذا؟ أون كيستيون أون ريبونس. الآن ils sont في إحراج. لأن ils savent très bien que c'est un مسلم. Et là, la question, c'est quoi l'islam? La da'wa de l'islam, elle est fondée sur quoi? Sur tawhid, la ilaha illallah. L'imam Ahmed, il leur dit, ana, je suis un musulman. Qala, thumma qultu, inna jaddak, ibn Abbas, yaqul, ila akhir, nakhtasir. Et ici, c'est un dalil fi shahada, taqaddam ma'ana al-aya, takfi. Qala, abi, qala, ya'ni al-mu'tasim, lawla anni wajadtuka fi yadi, في يد من كان قبلي ما عرضت لك. انصاف الى ركن المعتصم. قال لولا اني سي je t'avais pas trouvé, اي cette fitna n'aurait pas commencé avant que je vienne, jamais je t'aurais convoqué, je t'aurais appelé. Peut-être لكن المعتصم الان il fait comprendre ان il a pris le pouvoir après la mort de son frère. L'imam Ahmed il était en prison. Al-Mu'tasim, il doit continuer cette affaire. Amma, s'il n'y aurait pas eu l'affaire depuis le début, Al-Mu'tasim, il n'aurait pas éprouvé Al-Imam Ahmed. Hakada qal. Wallahu a'lam. Thumma qal, ya Abdurrahman ibn Ishaq, alam amuruk biraf' al-mihna? Bal, Al-Mu'tasim, il avait demandé à Abdurrahman ibn Ishaq de d'arrêter Al-Mihna. لكن تعلمون أن الأمراء أحيانا بل كثيرا ils veulent faire du khayr et ceux qui sont autour d'eux c'est pas des gens salihin. C'est un exemple هنا. لكن الآن المعتصم il peut pas faire demi-tour. L'imam Ahmed il est en face de lui, il est enchaîné, beaucoup de gens ils attendent. S'il délaisse l'imam Ahmed là et il le relâche, كثير من الضلال المعتزلة سيطعنون فيه. Et la fierté du Amir, ta'lamoun, annahu, il ne peut pas délaisser l'imam Ahmed hakada. Et c'est min al-ibtila. Tout ça, c'est min al-ibtila. Faqultu Allahu Akbar, inna fi hadha la farajan lil muslimin. L'imam Ahmed, quand il a entendu hadha, il a dit Allahu Akbar. Al-faraj, il est proche. Qala inna fi hadha la farajan lil muslimin. Aïe, une issue l'an. Après toute cette épreuve, Inch'Allah, c'est bientôt fini. Thumma qala lahum, nadiruhu. Aïe, ne comprends pas, mais l'al-kalam, anna l'imam Ahmed l'an, il va être relâché, abedin. Qal nadiruhu. Nadiruhu, al-munadara, c'est quand tu dialogues ma'a wahid. Tu cites ton avis, il cite son avis. Hadhi al-munadara. Qala nadiruhu, kallimuhu. Ya Abdurrahman, kallimuhu. Abdurrahman, hada ibn Ishaq, c'est un proche de l'amir. Al-an, al-amir, il demande à ses proches, montrez-lui, polémiquez avec lui, citez-lui vos hudud. Qala, faqala lil-mu'tasim. Ou qabla hada. Faqala li Abdurrahman, ma taqul fil Qur'an. La fitna al-an, ou al-mihna, est fondée sur hada. Al-mu'tazila, ils ont une aqidah, al-Qur'an, il est makhlouq. Il y en a pour eux, Allah, il n'a pas de sifat. Il a des noms. Attal au sifat. Le Coran, pour eux, il est makhlouq. Amma, inda ahle sunna, c'est. Le Coran, c'est min kalam illah. C'est une sifat, min sifat illah, azzawajal. Et ça fait partie de kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abdurrahman, l'imam Ahmed, ma taqul fi le Coran. Qala l'imam Ahmed, ma taqul fi ilm illah. C'est une hujja qawiyya. Léana l'imam Ahmed, il sait très bien qu'en public, ils diront pas « Ilm Allah, il est makhlouq ». C'est du kufr. C'est du kufr. Léana même ha'oula, ils peuvent pas dire « Ilm Allah, il est makhlouq ». Enfin, l'imam Ahmed, il répond via hada, « Ma taqul fi ilm Allah ». Dis-moi, « Ilm Allah, c'est quoi ?» Et je te dirai « Kalam Allah, c'est quoi ?» Léana l'imam Ahmed, il sait très bien que s'il dit « Al-Qur'an, il est pas makhlouq », ta'lamoun, il y a l'amir, il y a fulan. Et il va le dire l'imam Ahmed, « Ma yubali ». Lakin l'an, munadara. L'imam Ahmed il veut démontrer qu'ils sont à la batil devant l'amir. Qala ma taqul fi ilm Allah. Fasakat. Il s'est tué à l'aouel. Abdurrahman. Qala fa qala li ba'duhum. Alaysa. Qala Allahu ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay. Ta'amman alayhi istidla. Allahu khaliqu kulli shay. Allah il a tout créé. Ils lui ont dit, ils ont posé cette question à l'imam Ahmed, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Allah khaliq kulli shay, Allah il a tout créé. Pour eux, ça englobe le Coran. Qala al-imam Ahmed, ou qal, al-sa'il hada, qal, ou al-Quran, alaysa huwa shay? Ta'ammalu. Qala Allah ta'ala, Allah khaliq kulli shay, ou al-Quran, alaysa huwa shay? Allah il a tout créé, khaliq kulli shay. Le Coran c'est شيء, c'est une chose. قال الإمام أحمد فقلت قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر الله أو بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها. ماذا يريد الإمام أحمد؟ يريد il aura cité كذلك un exemple بكل شيء. لأن كل شيء ça veut pas dire tout على الإطلاق دائما. لا. Al-an, on a le premier verset, Allahu khaliq kulli shay. Allah, il a tout créé. Est-ce que ça veut dire que Allah, il a créé le Coran? Abadan. Le Coran, c'est min kalam illah, c'est un sifa. Al-imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il répond avec ce verset. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Qala l'imam Ahmed, fadammarat illa ma arad Allah. Sahih. Anna le verset, surat al-ahqaf, hadha al-rih, qu'a tout détruit. Allah subhanahu wa ta'ala قال تدمر كل شيء tout. Est-ce que le rih il a détruit les cieux? Abadan. Est-ce qu'il a détruit les malaïka? Abadan. Est-ce qu'il a détruit jami' bani adam wal jinn? Abadan. Est-ce qu'il a détruit l'arsh? Abadan. Est-ce qu'il a détruit le kursi? Abadan. L'imam Ahmed il leur montre anna كل شيء ça veut pas dire forcément tout ala l'itlaq la. Abadan. قال فدمرت الا ما اراد الله. فقال بعضهم un autre verset الآن ils sont كثير il est seul رحمة الله عليه et كل واحد يسيطي الحجة قال بعضهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث quelque chose de محدث c'est مخلوق الآن بعضهم ils ont pensé que في هذه الآية ils vont réussir à bloquer هذا الإمام رحمة الله عليه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي مخلوق قال أفيكون محدث إلا مخلوقا ils ont posé la question à l'imam Ahmed chaque محدث c'est مخلوق قال الإمام أحمد فقلت قال الله صاد والقرآن ذي الذكر فالذكر هو القرآن وتلك ليس فيها ألف واللام رحمه الله أما نحن في cette situation نغوبلي الفاتحة ربما صحيح أن الأدلة quand t'es dans في ضيق إما فرح إما غضب إما شدة تبلي كثير من الأدلة ولو تلي حفظ أما رحمة الله عليه الله سبحانه وتعالى إلي أدنى حفظ عجيب حتى ذكروا أنه يحفظ ألف حديث 3 مليون حديث يحفظها رحمة الله عليه قال صاد والقرآن للذكر فالذكر هو القرآن أي الذكر كنت ألف واللام الذكر الحكيم من أسماء القرآن من أوصاف القرآن الذكر الإمام أحمد le premier verset qu'ils ont cité محدث مخلوق il leur a montré ما يأتيهم من ذكر c'est pas الذكر بألف واللام القرآن من ذكر الذكر هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن il leur démontre أن le verset في سورة الأنبياء c'est pas المقصود به القرآن c'est pas المقصود به القرآن الذكر كم من مخلوقات فيها ذكرى للمؤمن كم من مخلوقات تتدبر مثلا في آيات الله عز وجل المخلوق الشمس والقمر والليل والنهار والبحار الذكر الإمام أحمد il leur montre أن القرآن الذكر سبي ألف واللام et il leur cite le verset صاد والقرآن ذي الذكر قال فالذكر هو القرآن وتلك ليس فيها ألف ولام وذكر بعضهم حديث عمران بن حصين أن الله خلق الذكر فقلت هذا خطأ c'est un imam في الحديث الآن ils vont commencer avec des أحاديث أما les versets du Coran il a répondu واحد واحد فقال بعضهم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن الله خلق الذكر فقلت أي الإمام أحمد هذا خطأ الحديث سباها كذا إلى ضعيف قال حدثنا غير واحد أن الله كتب الذكر فسأل لفظ الحديث الصحيح أن الله كتب الذكر رواية خلق الذكر عليه خطأ موضوعة رحمة الله عليه قال صالح بن أحمد وجعل ابن أبي دواد ينظر إلى أبيك المغضب هذا أخبي أحمد ابن أبي دواد المنحرف الضال après tout ça il regarde l'imam Ahmed avec un regard énervé لأنه c'est un خبيث قح المعتزلي الخبيث هذا الآن ça lui plaît pas هذا الكلام قال أبي وكان يتكلم هذا فأرد عليه ويتكلم هذا فأرد عليه فإذا انقطع الرجل منه اعترض ابن أبي دواد فيقول يا أمير المؤمنين هو والله ضال مضل مبتدع الإمام أحمد يراكمت أن واحد يبوزن كيسيون الإمام أحمد يغيبون واحد يسيتون شبهة الإمام أحمد يرد هكذا إلي توصل رحمة الله عليه لكن اللي على علم إلى غيبة أغيبون الخبيث أحمد بن أبي دواد يقول إذا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين سنضال سنمبتدع عن طعام الإمام أحمد رحمة الله عليه فيقول كلموه ناظروه فيكلمني هذا فأرد عليه ويكلمني هذا فأرد عليه فإذا انقطعوا يقول للمعتصم ويحك يا أحمد ما تقول الآن أمير المؤمنين يدي أسيبخش ناظروه Posez-lui des questions, continuez. Al-Imam Ahmed, il répond à Hada, il répond à Hada, il répond. Amir Mu'minin, il dit à l'Imam Ahmed, Ya Ahmed, waihak, ma taqoul. Il dit, attention, ma da taqoul. Lana l'Imam Ahmed, il répond pas. Bel, il leur montre, anna al-Qur'an, c'est kalamullah. Fa'aqoul, ya Amir al-Mu'minin, u'touni shay'an min kitabillah, ou sunnat rasoulihi, sallallahu alayhi wa sallam, hatta aqoulu bih. Hakada al-Sunni, hakada al-Mu'min. كتاب دليل من كتاب ومن سنة الإمام أحمد رحمة الله عليه الآن يجي أمير دون موا دليل من القرآن أو من السنة أن القرآن لمخلوق جدي مخلوق أما سان دليل لا اعتصام بالأدلة. C'est ça qui élève la personne. الآن c'est quoi qui a élevé l'imam Ahmed? Il est au milieu de هؤلاء المعتزلة des جهال الظلمة. الله سبحانه وتعالى il l'a élevé بهذا المنهج أنه il est معتصم بكتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Ça nous montre que ذلك أن في دين الله celui qui parle il faut qu'il ait un دليل. L'imam Ahmed rahmatullah alayhi الآن il ne demande pas l'avis d'un tel. Oh, qu'est-ce qu'il a dit un tel? Abadan. Il veut un dalil min al-kitab wa sunnah et il dit bihad al-dalil. Qala Hanbal. Qala Abu Abdillah. Wa hada ghadan. Dahab al-waqt. Naam. Ghadan, insha'Allah, idha stata'na nakmil. Aw nastamir. Nassal Allah subhanahu wa ta'ala an yarham hada al-imam wa yujannibana al-fitan. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين